que caliente. L'équipe est en paix, je vais danser les requins. Je vais de là où on participe que pour le record. Elle est en paix, je l'ai vu dans les regards. Elle sait qu'on participe que pour le record. Paye ta bouteille en bois, toi qu'elle a dit. Soir, je suis pas branché pour ton hôtel à deux. Tout j'ai rien, on demande comment faire la G. Surveille ta mine, elle reste au terrazzo. Moi, si je baisse, c'est flotter la vanilla. Je vais de là où la police joue le cavalier. Un absolu de monde composé de l'employé. Avec l'équipe, on est tous depuis l'escalier. Tous mes matos détestent la popo. Elle laisse la douce, elle touche la coco. Ça sort des blocs, ça.